إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas du diable. Les savants du tafsir ont expliqué que les pas du diable, ce sont tous les péchés. L'ensemble des péchés et des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les péchés du cœur ou les péchés de la langue ou encore les péchés du corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc interdit de suivre le diable, mais il nous a également interdit de suivre ses pas. Et cette interdiction, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ses serviteurs croyants pour leur donner des ordres et les informer de ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'ordonne une chose, c'est que cette chose est une cause pour entrer au paradis. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit une chose, c'est que cette chose est une cause d'entrer en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne ce qui te fait entrer au paradis et t'interdit ce qui te mène à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle à cela alors qu'il n'a pas besoin de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de ses serviteurs. Mais ses ordres et ses interdictions, il t'en informe pour ton propre intérêt et pour ton propre besoin. Alors que lui, subhanahu wa ta'ala, il se passe de l'ensemble de ses serviteurs. Si l'ensemble des gens présents sur terre mécroyaient tous en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci ne diminuera en rien à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'ensemble des gens présents sur terre croyaient tous en Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettaient à lui, alors ceci n'augmentera en rien la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sa royauté est parfaite, sa royauté est complète et il se passe de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont ses serviteurs qui ont besoin de lui. Ce sont nous, ses serviteurs faibles, qui avons besoin de la foi. Nous avons besoin de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin d'accomplir des œuvres pieuses. Et si le serviteur mécroit, alors c'est lui qui se cause du tort à lui-même par la mécréance, par le polythéisme ou encore par les péchés. Lorsqu'un serviteur commet un péché, il se cause du tort à lui-même. Et ceci ne nuit en aucun cas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'invite et il t'appelle dans ton intérêt. Il te donne des ordres dans ton intérêt. Il t'informe de ses interdits dans ton intérêt afin que tu ne te causes pas du tort par ses péchés. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bien immense qu'il a accordé à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs à la foi et ses serviteurs se détournent. Alors que ce sont eux qui ont besoin de répondre à cet appel. Ils s'écartent d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'eux, ils ne peuvent pas se passer d'Allah. Tu ne peux en aucun cas te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas l'espace d'une seconde. Et ceci fait partie des choses surprenantes chez le serviteur. En effet, cela nous montre une défaillance de la raison. Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à ce qui te fait entrer au paradis. Et il t'appelle à délaisser ce qui te mène en enfer. Et malgré ça, nombre de ses serviteurs se détournent et suivent les pas du diable. Si les raisons étaient saines et justes, alors elles auraient su que la sagesse dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses interdits, elle revient à leur propre intérêt. Si tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est toi qui profiteras de cette soumission, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Mais si tu délaisses les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu suis les pas du diable, alors tu te causeras du tort à toi-même, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le serviteur donc, il court à sa perte par sa propre personne. Il néglige lui-même sa propre personne en se détournant de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que cette obéissance, c'est lui qui en profite s'il œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuisance, elle est contre sa propre personne s'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, nombre des serviteurs sont tels qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Lahum quloub la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec ces cœurs. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les choses d'une compréhension qui leur profite. Ils ne regardent pas d'une vue qui leur est bénéfique et ils n'entendent pas l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une ouïe qui leur profite. Et s'ils regardaient et qu'ils écoutaient et qu'ils comprenaient de manière profitable, alors ceci serait tout en leur intérêt. Mais malheureusement, nombre de ces serviteurs courent à leur perte. Cependant, l'homme doit savoir qu'il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas comme les bêtes qui n'ont aucune charge et qui n'auront pas de compte à rendre. Mais tu auras des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes œuvres. Tu es face à une rétribution et à une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à un châtiment. Mais cela préfère être comme le bestiau. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ulaika kal an'am. Ceux-là sont comme les bestiaux. Balhum adal. Même ils sont encore plus égarés. Ulaika humul ghafilun. Tels sont les insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle au paradis. Et le diable et ses alliés les appellent au feu. Et ils choisissent de répondre à l'appel du diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du diable. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Tu vois donc la différence entre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel du diable et de ses alliés. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à la foi et il t'appelle aux œuvres pieuses afin de te récompenser par le paradis. Alors que le diable et ses alliés, ils ne t'appellent qu'au feu de l'enfer. Ils ne t'appellent qu'aux œuvres qui mènent au feu de l'enfer. Cependant, tu dois savoir que le diable et ses alliés ne vont pas venir à toi et vont te dire « Viens au feu de l'enfer. » Mais crois en Allah, délaisse l'obéissance à Allah et viens avec nous au feu de l'enfer. Ils ne vont pas t'appeler comme ça. Si tel était l'appel du diable, personne ne lui aurait répondu. Mais son appel, il va l'enjoliver par les désirs et les passions. Parmi les choses désirées par les âmes et qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le diable, il embellit son appel. Il embellit les choses viles et les choses laides, interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin de leurrer les gens, afin de les tromper, afin de les mener en enfer. Et il va se faire passer pour un bon conseiller, pour quelqu'un qui veut ton bien, alors qu'en réalité, il est ton ennemi déclaré. Donc, tu es entre deux appels. Entre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'appelle au paradis et t'invite aux œuvres menant au paradis, et entre l'appel du diable et de son parti, qui te mène en enfer et qui t'appelle aux œuvres menant en enfer. Tu dois donc regarder et choisir. À qui souhaites-tu répondre ? Souhaites-tu répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à l'appel du diable ? Et examine ta propre personne. Si tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sur la droiture, si tu aimes le bien, que tu aimes les œuvres de bien, que tu es assidu dans l'accomplissement de tes obligations, comme les prières obligatoires et autres, et que tu fais des efforts dans cela, autant que tu peux, et que tu fais suivre tes obligations par des œuvres surérogatoires aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est que tu as répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Loue Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de faire partie de ses alliés en répondant à son appel. Cependant, si tu es dans le contraire de cela, que tu ne fais que commettre des péchés, que tu es plongé dans les péchés et les désobéissances à Allah et les mauvaises actions matin et soir, que tu es négligent vis-à-vis de tes obligations, que tu commets des interdits et que tu n'y prêtes pas attention et que tu es dans l'insouciance, alors sache que tu es en train de suivre les pas du diable et que tu es en train de répondre à son appel. Donc à toi de choisir. Souhaites-tu faire partie du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'Allah a agréés, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer au paradis pour y demeurer éternellement? Ou alors, souhaites-tu être du parti du diable, celui qui mène ceux qui le suivent au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc si telle est ta situation, que tu es plongé dans les péchés, alors tu dois t'empresser de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Écarte-toi du diable et ne suis pas ses pas. Empresse-toi de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Empresse-toi de te repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant que la mort te surprenne et que telle soit ta situation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le musulman, il doit donc choisir la voie qu'il suit. Suit-il la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien suit-il la voie du diable? Et il doit être conscient de cela, que le diable ne va pas l'appeler directement au pire des péchés, mais il va aller pas à pas. Il va tout d'abord essayer de te distraire et de te faire délaisser les actes méritoires que tu accomplis. Puis peu à peu, il va essayer de te faire négliger tes obligations. Et son but final est de mener la personne à la mécréance et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, soumets-toi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a interdit de suivre les pas du diable et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, surtout en ce noble mois où les portes du paradis t'ont été ouvertes, que les portes de l'enfer ont été fermées et que les diables sont enchaînés. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ceux qui réussissent, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous du diable et de ses alliés. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.